l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la cinquième émission, nous avons examiné le processus de ruralisation et l'effervescence économique qu'on perçoit en Nouvelle-France dans la première moitié du XVIIIe siècle. Nous avons aussi parlé d'une certaine bourgeoisie assez particulière qui existait en Nouvelle-France et de l'administration financière inflationniste de la métropole. Cette semaine, nous verrons comment la socio-économie canadienne va vivre de grands dérangements, comment elle va participer à sa façon à la grande révolution atlantique qui éclate au milieu du XVIIIe siècle. Le bouillonnement économique en Nouvelle-France, particulièrement dans le second quart du XVIIIe siècle, un bouillonnement sur lequel nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, eh bien, ce bouillonnement a pu donner l'impression, l'illusion, qu'un empire commercial embryonnaire avait pris forme sous la pression des forces du marché. Tel n'est pas le cas. Il y a montée du commerce, oui, et ce tant dans le versant agricole que dans les rapports entre le monde agricole et le monde atlantique. Mais il s'agit d'un commerce hors marché, comme dirait Abraham Rothstein, d'un commerce orchestré, organisé, suscité même par l'État. Il est donc possible de parler d'une illusion de coordination des activités économiques par le jeu des forces anonymes de l'offre et de la demande, du marché. En fait, la coordination est faite par l'État, un État qui organise les échanges entre secteurs et régions, un État qui subventionne les activités de production, tant dans les forges du Saint-Maurice que dans la construction navale, un État dont l'importance, comme client de l'industrie et du commerce local, surtout en temps de guerre, va avoir un impact déterminant sur la socio-économie, un impact plus important par moment que les retombées économiques irrégulières du commerce des fourrures. Cette coordination de l'activité économique par l'État, elle ne va pas seulement donner l'illusion du marché, mais aussi l'illusion de la prospérité derrière l'effervescence économique. En fait, la population est pauvre dans le second quart du XVIIIe siècle, et même l'intendant Hocquart, en 1743, va parler de la Nouvelle-France comme d'un pays misérable, c'est son mot. Mais tout va changer avec la guerre dans les années 40. Dans les mots de Guy Frégaud, les dépenses de guerre vont introduire dans la machine un carburant qui la fera tourner plus vite que jamais. La métropole va investir 3 à 4 fois plus dans la colonie dans les années 40 que dans les décennies antérieures. La guerre enrichit le Canada et les Canadiens. La guerre devient un pôle de croissance nouveau, mais comme l'administration financière est malsaine, l'inflation va faire rage. Tout cet investissement ne va pas cependant suffire à préserver la colonie dans l'Empire français, et ce même si dans certaines années, comme 1754, ce n'est pas moins de 4,5 millions de livres que le Canada va coûter à la métropole. Pourquoi? Eh bien parce que depuis la fondation d'Halifax en 1749, l'Angleterre a donné un tour plus agressif à sa politique coloniale, alors que Louis XV n'alloue aux finances de la colonie qu'à peu près la même somme qui est au poste des menus plaisirs dans son budget domestique. La France, d'ailleurs, est en difficulté financière, elle va non seulement perdre la guerre, mais elle va faire banqueroute. Et ces deux événements ne sont pas sans des liens étroits, comme nous l'explique John Bosher de l'Université York à Toronto. Vers 1757-58, le gouvernement français n'avait plus de fonds et il était obligé de demander à droite et à gauche pour payer. Il a commencé par une société de Beaujon et Goossens ou Hossens, une société de financiers, Beaujon étant banquier de la cour et Hossens un grand homme d'affaires à Paris, qui sont tombés d'accord vers le début de l'année 1758 de financer la marine et les colonies. Donc le Canada était en quelque sorte financé par cette société. Le crédit du gouvernement au marché dépendait en grande partie pendant les guerres, dépendait du succès de la guerre. Et de ce point de vue, la guerre était une affaire. Et les hommes d'affaires regardaient la guerre comme un investissement. Les victoires apportaient un meilleur cours aux effets de l'État. Et alors, dans ce cas, s'il y avait des victoires, les financiers étaient prêts à prêter beaucoup plus d'argent à l'État. Et par contre, les revers, les défaites, faisaient tomber le crédit du gouvernement. Or, pendant la guerre de 7 ans, il n'y avait pratiquement que des défaites. Et à partir de la perte de Louisbourg et des grandes ports de l'Inde en 57-58, le gouvernement était aux abois, n'avait plus de fonds. Et pour simplifier, en été 59, précisément le 15 octobre 59, à la fin, en automne, le gouvernement français a fait banqueroute. Il n'avait plus de fonds du tout. Et ce qui est très intéressant à mon point de vue, c'est que si on compte le 15 octobre, c'est juste le moment où la nouvelle de la défaite sur les plaines d'Abraham ont gagné la France. La bataille des plaines d'Abraham se passe le 13 septembre. Or, un navire pouvait traverser l'Atlantique dans un mois à peu près. C'était possible d'avoir les nouvelles par un mois ou un autre à travers l'Atlantique dans un mois. Donc, du 13 septembre au 15 octobre, la nouvelle atteint la France. Je sais, par exemple, que Magot, à Saint-Malo, que Magot lui-même apprend de ses agents à Londres la mauvaise nouvelle de la défaite des plaines d'Abraham le 12 octobre. Et il était en relation assez étroite avec le gouvernement. Le gouvernement savait, avant le 15, quelque chose de la défaite. Bon, alors il suspend les paiements sur ses lettres de change, ses billets du trésor, tous ses papiers, le 15 octobre. C'est une banqueroute, ça. Et il me semble que le lien entre la défaite, non seulement la défaite du 13 septembre 59, mais aussi 58, et le sort de la colonie, les relations, est très important et fait tout un cadre de l'affaire du Canada assez imposant. Parce que c'est pendant ces mêmes années que le gouvernement avait décidé d'arrêter ses propres administrateurs. Or, j'ai toute une théorie là-dessus. Ma théorie, c'est que on peut pas dire que Bigot, Cadet et compagnie soient innocents. Ce n'est pas là l'intérêt de ma théorie. Mais on peut avancer la théorie que le gouvernement français les arrêtait, les inculpait et menait un procès assez bruyant, assez public, si vous voulez, pour s'excuser des défaites au Canada et la perte de la colonie. Ils étaient les boucs émissaires de la défaite de la guerre de 7 ans. Évidemment, comme Guy Frégo a si bien démontré dans sa bonne biographie de Bigot, beaucoup de gens savaient qu'il était plus ou moins malhonnête, des prédateurs, tout ce que vous voulez, dès le début de son administration. Mais le gouvernement n'était pas obligé d'attendre 10 ans pour avoir l'évidence pour arrêter Bigot. Or, il a attendu 10 ans avant de l'arrêter. Et je crois que Bigot était bouc émissaire de la défaite. La coïncidence du procès et de la banqueroute est trop près, et la défaite, ces trois éléments tissés ensemble. Et le gouvernement avait tout intérêt, surtout Choiseul, dont la partie gouvernait la France à cette époque, gouvernait en quelque sorte pour le roi, avait tout intérêt de passer la faute à quelqu'un d'autre. Ils ont réussi, avec un astucieux brillant, il me semble, à blâmer Bigot et compagnie pour la défaite du Canada. Or, a décelé l'affaire, on voit que Bigot n'a fait que presque tout autre intendant a fait. Ses occasions étaient plus riches. Il a gagné beaucoup plus que Oka avant lui ou que tout autre intendant, parce que pendant la guerre, il n'y avait plus de moyens, il n'y avait plus d'occasions. Il était peut-être un peu plus philo, escroc que les autres. Mais je crois que c'est le système qui est en jeu et non pas l'individu. Si on ne peut pas vraiment expliquer la perte de la Nouvelle-France, la conquête, simplement par de la maladministration, par une administration financière malsaine, comment l'expliquer? Comment expliquer aussi, et en même temps, la stagnation économique qui, sauf en période de guerre, va caractériser toute l'expérience socio-économique de la Nouvelle-France? Il existe tout un train d'explications. Certains ont dit qu'il y a eu manque de travailleurs qualifiés, d'autres qu'il y avait manque d'entrepreneurs, d'autres enfin qu'il y avait manque de capital. Pierre Harvey, de l'École des hautes études commerciales, a fait une revue critique de ces explications. En particulier, il ne croit pas que la stagnation économique de la Nouvelle-France soit attribuable à une pénurie de capital. On a constaté que la colonie de New York, d'ailleurs comme les 13 colonies américaines, vivait dans ce problème perpétuel d'avoir à faire face à des pénuries de capitaux. Et puis, l'analyse des pays en voie de développement, puis l'histoire économique de l'Europe, nous montre que c'est une phase normale au début d'un développement que de ne pas avoir de capitaux, c'est-à-dire, en d'autres termes, de ne pas avoir une production qui dégage une épargne suffisante pour financer des investissements. J'avais constaté que dans les autres colonies à l'époque, les problèmes étaient les mêmes. Donc, si ce n'était pas une explication pour d'autres colonies, il y avait peu de chances que ce soit une explication finale pour le cas de la Nouvelle-France. On ne peut pas s'appuyer là-dessus comme une explication finale, dans la mesure où on constate, par exemple, que dans les colonies américaines, il a fallu recourir aussi à la monnaie de carte à certains moments. On était dans la même situation. Et si on prend l'Europe du 17e siècle, l'Europe du 17e siècle, avant l'arrivée de l'or américain, de l'or mexicain en particulier, après l'épuisement des mines d'argent qui avaient été largement exploitées par les Espagnols, l'Europe dans son ensemble se trouvait dans une pénurie de moyens de paiement, ce qui a d'ailleurs été à la source de l'invention des moyens de substitution qu'ont été les billets, les lettres de change et tout le papier qui a remplacé les vieux moyens de paiement qu'on avait basés sur les métaux. Si la pénurie de capitaux n'est pas la cause de la stagnation économique de la Nouvelle-France, est-ce qu'il se pourrait, comme certains l'ont suggéré, M. Harvey, que ce soit la pénurie d'hommes de métier, de travailleurs qualifiés, le manque aussi d'une bourgeoisie d'affaires capable de produire des entrepreneurs et des entreprises locales? C'est un fait que dans la Nouvelle-France, il y avait une pénurie d'hommes de métier. Là encore, ce n'est pas différent de ce qui se passait dans les colonies américaines. On a des quantités de documents qui montrent que dans les colonies américaines, on avait énormément de difficultés à trouver des hommes de métier. Et Adam Smith lui-même, dans La richesse des nations, explique ce phénomène par l'abondance relative des bonnes terres et surtout l'idéologie du temps qui faisait qu'on était un homme libre quand on était propriétaire d'une terre, si bien que tout colon qui arrivait en Amérique du Nord, quel qu'ait pu être son métier auparavant, il se dépêchait d'acquérir de la terre. Donc, les métiers se vidaient. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, c'était le même cas pour la Nouvelle-France. Mais avec le phénomène particulier en Nouvelle-France, je pense que c'était pas les hommes de métier qui étaient rares, c'était les hommes. Est-ce qu'il se peut, M. Harvey, donc, que ce soit le manque de population qui soit la source de la stagnation de la Nouvelle-France, alors? C'est sûrement un des éléments à prendre en considération, mais moi, je dirais que il y a plus fondamentalement que ça le fait que, à l'époque, le choix qui a été fait de la vallée du Saint-Laurent comme base de développement pour une colonie a été un choix malheureux, dans un certain sens. Si c'était au 20e siècle, ce serait une autre histoire. Mais dans les conditions du 16e, 17e siècle, c'était un choix malheureux dans ce sens que le choix ne pouvait être bon que pour une colonie commerciale, ce que la Nouvelle-France a été, c'est-à-dire une colonie très strictement, en fait, branchée sur des réseaux de commerce indien déjà très développés et qui ont donné lieu au grand commerce des fourrures. Mais le développement qui aurait pu s'appuyer sur une diversification, il n'était pas là. Il était sur la côte de l'Atlantique où on pouvait avoir les pêcheries des bancs de Terre-Neuve et de la côte atlantique américaine, le développement des îles à sucre dans les Antilles, le commerce des esclaves avec l'Afrique noire et les produits industriels de l'Europe qui entrait dans la phase de la révolution industrielle, ce qui faisait plusieurs commerces triangulaires à combiner, alors que je dirais que dans la vallée de Saint-Laurent, le commerce était linéaire. Il y avait des fourrures, c'était tout. Pourquoi est-ce que le Canada n'aurait pas pu s'inscrire, M. Harvey, dans ces grands réseaux d'échanges dans tout le marché atlantique? C'était pour la Nouvelle-France, étant donné ce qu'est la vallée du Saint-Laurent, extrêmement difficile, même pratiquement impossible, de soutenir la concurrence de Boston à ce sujet-là. Parce que partir de Québec, passer par la vallée du Saint-Laurent, redescendre le long de la côte américaine en s'exposant à ce moment-là, d'ailleurs, pendant les périodes de guerre, à la dislocation du commerce, pour aboutir aux îles, c'était déjà avoir des lignes de transport déjà très longues, interrompu pendant un très grand nombre de mois à cause de la glace et très exposé, alors qu'une ville comme Boston pouvait faire ce commerce à l'année longue dans des eaux qui étaient à toute fin pratique protégées de la marine française, d'ailleurs qui était plus faible que la marine anglaise. Ce qui explique que le commerce s'est développé, d'ailleurs comme commerce illicite dans le système mercantiliste français à l'époque, s'est développé beaucoup plus entre les colonies anglaises et les îles françaises qu'entre la vallée du Saint-Laurent et les îles françaises, parce que la vallée du Saint-Laurent était trop loin et handicapée par les conditions de la navigation d'hiver. On pourrait très bien imaginer que la vallée du Saint-Laurent ait pu être un grand corridor vers tout ce continent extrêmement riche de l'intérieur des terres, parce qu'en fin de compte, les colonies anglaises s'arrêtaient aux Alleghenies. C'était une mince frange au bord de l'Atlantique. Tout l'intérieur du continent était français, du moins en termes d'allégeance, parce que le peuplement y était à peu près nul. Mais s'il y avait eu le peuplement, il y aurait eu une base continentale considérable avec un corridor sur l'Atlantique qui aurait pu donner un développement interne, ce qui était fait dans d'autres colonies. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'hommes et que la colonie était placée de façon telle qu'elle était à la marge du centre de gravité de l'économie mondiale qu'à l'époque était l'Atlantique Nord, c'était voué à l'échec, je pense, au point de départ. La Nouvelle-France passe sous contrôle britannique en 1760. C'est une date qui, dans l'historiographie canadienne, a été marquante pour certains, alors que pour d'autres, ce passage d'un empire à un autre a été sans grandes conséquences. Il n'est pas question pour nous de faire ici le tour de cette controverse entre l'École de Montréal, qui y voit une coupure importante, et l'École de Québec, pour qui il n'y a pas de brisure essentielle. Et pourtant, la controverse a été tellement importante qu'on ne peut l'ignorer complètement. Il y a d'abord avec la conquête un certain nombre de transformations sur lesquelles tout le monde s'entend. D'abord, c'est l'arrivée d'un groupe de marchands nomades anglo-écossais avec l'armée, qui suivent l'armée et organisent son ravitaillement. Et puis, à l'invitation des autorités en train de s'établir, l'arrivée de marchands de New York et du Massachusetts. C'est l'arrivée des McGill, des McTavish, des frères Frobisher. En 1765, ils sont une cinquantaine à Montréal seulement. Beaucoup plus à Québec encore, mais pas des centaines. De ce groupe de marchands, Donald Creighton a écrit qu'il a eu une influence énorme sur la vie économique canadienne, que ça avait été le plus conscient, le plus déterminé, le plus important groupe social, avec un plan d'action bien défini, dans ce qu'il est convenu d'appeler la vieille province de Québec, après 1760. L'arrivée de ces marchands, bien intégrés au réseau d'information et d'influence dans l'Empire britannique, va évidemment déplacer le centre de gravité économique de la colonie en leur faveur. Autre fait incontesté, le commerce des fourrures va être une force unificatrice entre les deux groupes ethniques. Le commerce des fourrures est bilingue. McGill, McTavish, Joseph Frobisher vont épouser des femmes canadiennes-françaises. Ce qui ne veut pas dire évidemment que l'on va assister à une acculturation des nouveaux arrivants. En fait, il y aura coopération dans certains secteurs, mais en général, des vies parallèles pour la petite communauté anglaise et la majorité des habitants. C'est quand on parle de l'impact de ces nouveaux arrivants et des déplacements du pouvoir économique que cette arrivée va entraîner que les points de vue divergent. Pour le professeur Fernand Ouellet, autrefois de l'Université Laval, mais maintenant à l'Université d'Ottawa, la conquête n'a pas eu l'impact néfaste qu'on lui attribue. Je dis qu'il n'y a pas de brisure essentielle, il n'y a pas de brisure fondamentale. Prenez par exemple, on parle de la bourgeoisie. Et moi, quand je fais l'inventaire, disons, des hommes d'affaires qui sont dans l'économie des pelleteries après 1760, bien, j'observe un accroissement du nombre des hommes d'affaires. On a dit que la bourgeoisie canadienne-française avait décliné après 1760 parce qu'il y avait un problème de finances. S'il y avait eu un problème de finances, il n'y aurait pas eu un accroissement numérique. Pour moi, c'est bien évident. Deuxième chose, lorsqu'on regarde les investissements, non seulement les francophones numériquement contrôlent l'économie des pelleteries jusqu'à la Révolution américaine au moins, mais en même temps, lorsqu'on regarde le niveau de leurs investissements sont à peu près égaux à ceux des anglophones. De sorte que les disparités entre anglophones et francophones sur le plan économique et dans l'économie des pelleteries, c'est un processus à long terme. Évidemment, ça peut être lié d'une certaine mesure à la conquête, mais il me paraît qu'il y a une évidence à ce niveau-là, c'est que la conquête n'a pas été l'élément qui a brisé, disons, une bourgeoisie. Et j'ai déjà signalé que, en 1760, sous le régime français, la classe qui dominait, c'était l'aristocratie. Or, une des choses qui est intéressante et qui démontre le pouvoir arbitraire de cette aristocratie, ou sa puissance fondée sur l'arbitraire, c'est qu'à partir du moment où on proclame la liberté du commerce après 1763, on voit presque plus de nobles parmi les commerçants de pelleterie qui vont investir. Tandis que la bourgeoisie francophone résiste, elle continue. Par conséquent, il y avait des traditions, mais il y a des disparités qui vont se créer entre les deux groupes et c'est un processus à long terme. Ça veut dire que c'est un processus complexe, qui ne peut pas dépendre d'un seul événement. En 1760, il semble que le numéraire est en bonne quantité disponible. Est-ce qu'en fait, on peut dire que l'économie de 1760 au Canada, tant dans son versant pelleterie que dans son versant agricole, sont des économies qui vivent encore des vies séparées? Comme vous dites, il y a une vie dans laquelle il existe de la monnaie, il existe de l'argent. Évidemment, cet argent-là ne vient pas, disons, en grande majorité de l'économie agricole, du secteur agricole, qui se transforme progressivement. Par conséquent, il peut y avoir un peu d'argent qui venait. Mais, au fond, ça montre la solidarité entre l'économie des pelleteries et l'économie agricole au niveau de la main-d'œuvre. C'est que, comme le secteur commercial n'est pas encore très commercialisé, naturellement, les gens allaient chercher de l'argent dans le commerce des pelleteries, un revenu supplémentaire qui, après ça, pouvait retourner dans les campagnes, était dépensé dans les campagnes, sous forme d'achats, par exemple, de vêtements, le textile et tout ça. Et il y a un deuxième élément qui amenait dans les campagnes aussi de l'argent, c'était les investissements militaires. Alors, si vous avez une noblesse militaire, et comme la guerre existe pratiquement en état de permanence, évidemment que là, il y a quelque chose qui amène de l'argent dans les campagnes, mais qui, d'une certaine façon, peut stimuler un certain développement agricole. Alors, le secteur agricole n'est pas un secteur aussi immobile qu'on pourrait le croire, même du point de vue marché intérieur. C'est un peu le même constat qu'il n'y a pas eu un impact désastreux de la conquête sur la colonie que suggère José Igartua de l'Université du Québec à Chicoutimi, un historien qui a étudié les marchands dans la colonie à la fin du régime français et au début du régime britannique. Il existe deux groupes essentiellement qu'on peut regrouper autour des villes de Québec et de Montréal. À Québec, il existe d'abord un groupe assez petit de représentants de maisons de commerce françaises qui sont établis à Québec depuis longtemps, qui font un volume d'affaires assez considérable, mais qui espèrent toujours retourner dans la métropole pour y terminer leur jour. Ce sont ces gens-là qui ont les liens les plus étroits avec l'administration coloniale et ce sont ces gens-là qui montent les fortunes les plus considérables dans la colonie. À Montréal, on retrouve essentiellement des gens qui sont plutôt nés au Canada, la majorité le sont, qui font soit du commerce des fourrures pour la majorité d'entre eux, soit pour l'élite, du commerce de gros et de détail, c'est-à-dire qu'ils fournissaient en marchandises importées les marchands de fourrures ou les commerçants régionaux, les coureurs de côte qui en faisaient la distribution aux habitants. Les marchands de Montréal, par conséquent, ont des niveaux de fortune, des chiffres d'affaires beaucoup inférieurs à ceux qu'on pourrait retrouver à Québec. C'est un groupe qui a, à mon avis, une conscience politique aiguisée. Il ne s'agit pas non plus d'un groupe qui chercherait à prendre le pouvoir politique en main. C'est un groupe qui dépend très étroitement de ses liens avec l'administration militaire qui fournit les postes de traite. Et par conséquent, c'est un groupe qui est assez respectueux de l'autorité. Quelles sont les caractéristiques de ce marchand, de ce négociant moyen à Montréal autour des années 1760, Monsieur Igartua? C'est un marchand qui est déjà assez vieux, si on considère ses caractéristiques démographiques. Il a presque l'âge de la retraite à l'époque de la conquête. Il a une famille un peu plus petite que la moyenne. Il s'est marié environ 5 ans plus tard que l'habitant typique. Il a marié une femme qui, elle aussi, est un peu plus vieille. Ce qui explique en partie que le nombre d'enfants qu'il a eu a été un peu plus bas que celui de la moyenne. C'est une personne qui est appelée à voyager, à aller à l'occasion dans les pays d'en haut pour faire le commerce, à aller à l'occasion à Québec pour s'approvisionner en marchandises de traite et très rarement peut-être à faire le déplacement jusqu'en France pour rencontrer les fournisseurs de crédit, les fournisseurs de marchandises. C'est une activité dont les saisons sont importantes. Le printemps, c'est une saison très active où on prépare les cadeaux, on engage les personnes qui apporteront les marchandises dans les pays d'en haut. L'été est beaucoup plus calme et à l'automne, c'est le retour des canaux, c'est la préparation des lettres vers la métropole. C'est une autre saison très active. Alors, on voit un peu comment se déroule la vie des marchands selon le rythme du commerce de Montréal. Ils ne sont pas très riches, mais ils sont malgré tout assez riches. Quels pourraient être, en gros, les niveaux de fortune ou les niveaux de revenus de ces marchands, M. Igartua? Oh, c'est assez médiocre. Les plus riches d'entre eux auraient peut-être un salaire qui ferait la moitié de celui du gouverneur de la colonie. Si on les compare à des marchands des colonies nord-américaines, par exemple, il s'agit de niveaux de richesse très bas, même comparé à ceux de la ville de Québec où on trouve des marchands qui font des fortunes assez considérables dans les approvisionnements de l'armée ou dans la pêche dans le golfe du Saint-Laurent. En fait, il s'agit de gens qui vivent assez pauvrement, dont les intérieurs sont meublés de façon modeste, qui ne possèdent pratiquement aucun objet de luxe. Ce sont seulement ceux qui font partie de l'élite des marchands, les importateurs, qui peuvent se permettre des luxes comme des marchandises importées ou des quantités assez considérables de vin pour l'année. L'historiographie a suggéré que ces gens-là avaient été éclipsés du commerce des fourrures à cause des pressions politiques des marchands britanniques qui viennent. Or, il semble bien que ces gens-là ont pu continuer à faire leur commerce des fourrures sans trop de difficultés. Ils ont réussi à obtenir en Angleterre les fournisseurs de marchandises de traite, à obtenir un certain crédit et à maintenir leur chiffre d'affaires au niveau égal ou même un peu supérieur à celui qu'il avait pu être avant la conquête. Il faut dire cependant que l'économie de la province de Québec après 1760 l'économie des fourrures en particulier prend une expansion considérable, ce qui leur laisse de la place et qui laisse de la place aussi aux nouveaux venus qui, eux, monteront des fortunes beaucoup plus considérables que celles des marchands canadiens. À mesure où l'économie de la province en général s'enrichit, la circulation des espèces se fait de mieux en mieux. Les habitants, après 1760, réussissent pendant un certain temps à vendre leurs récoltes et donc ils ont du numéraire à dépenser chez les marchands. Il se fait donc une intégration du commerce de gros et du commerce de détail qui n'existait à peu près pas avant 1760. Il y avait une économie essentiellement d'échange, de marchandage entre les boutiquiers et leurs clients avant la conquête. Pour d'autres, comme le professeur Maurice Séguin de l'Université de Montréal, la conquête a eu un effet de démolition économique de la colonie. Selon lui, la conquête confère aux Canadiens français une conception diminuée de la vie économique à proportion que les marchands de la Nouvelle-France quittent les lieux ou qu'ils perdent le véritable pouvoir économique. C'est la période du repliement agricole, écrira Séguin, d'un second repli vers l'agriculture dans ce 18e siècle. Mais cette fois, la population française ne déborde pas dans l'agriculture, elle y est refoulée. Denis Monnière, politicologue à l'Université du Québec à Montréal, explique l'impact de ce refoulement, explique comment la conquête a conféré une nouvelle importance au mode de production des petits producteurs. Après la conquête, on se retrouve avec une société où il y a deux structures sociales. Une structure sociale anglophone, avec évidemment la caste des administrateurs coloniaux, et la bourgeoisie d'affaires qui prend la place de la bourgeoisie coloniale francophone. De l'autre côté, on a une autre structure sociale qui évidemment perd sa classe dynamique, son élite économique, et qui, pour assurer sa subsistance, doit compter sur le mode de production des petits producteurs. C'est-à-dire qu'après la conquête, il y aura un repli sur l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas oublier que en Nouvelle-France, l'activité essentielle, c'était la traite des fourrures. L'agriculture était subordonnée et visait à assurer la subsistance de cette activité économique. Mais après la conquête, pour la structure sociale canadienne-française, seule l'agriculture peut assurer la subsistance. Et donc, l'effet de la conquête, c'est d'entraîner la persistance du mode de production des petits producteurs. Normalement, dans une société en voie de devenir capitaliste, les autres modes de production ont tendance à se résorber et à se désintégrer et à se dissoudre. Or, avec la conquête, le mode de production des petits producteurs a été conservé. Il a persisté, selon certains analystes, jusqu'en 1880. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu, qu'il ne pouvait pas y avoir de processus de prolétarisation des Canadiens français. On s'est rendu compte, finalement, que la constitution de la classe ouvrière au Canada a été amorcé par l'arrivée des migrants. Et non pas, comme ça se fait normalement, par la prolétarisation de la paysannerie qui est sur place. Ce qui fait que les Canadiens français sont arrivés sur le marché du travail beaucoup plus tard, une fois que le processus d'industrialisation a été amorcé par, évidemment, les intérêts économiques anglophones ou britanniques, et après que des couches successives d'immigrants aient occupé les emplois de salariés dans le secteur productif. Donc, ça a quand même des conséquences. La persistance du mode de production des petits producteurs, qui devient notre seul moyen de subsistance après la conquête en tant que collectivité, entraîne notre retard dans le processus de prolétarisation. Et donc, au niveau de la structure sociale, on voit qu'on a une malformation, si je peux employer le terme, dans la mesure où le groupe dirigeant de notre société est un groupe dépossédé des pouvoirs économiques. Normalement, si la société de la Nouvelle-France s'était développée, bon, on fait de la spéculation, l'accumulation du capital se serait faite comme ça s'est fait dans toutes les autres colonies, on aurait eu probablement un processus d'industrialisation. Et à ce moment-là, il y aurait eu un processus de prolétarisation, c'est-à-dire que progressivement, les paysans auraient été obligés d'entrer dans des relations de marché. Et donc, à partir du moment où vous entrez dans les relations de marché, l'économie d'autosubsistance disparaît. Alors, à ce moment-là, le mode de production des petits producteurs se serait progressivement résorbé, comme ça s'est produit dans toutes les sociétés capitalistes. Or, c'est ça qui a été empêché par la conquête, en réalité. Et la conquête a forcé, à cause de la domination coloniale que ça implique, a forcé la société canadienne-française à se replier sur une seule jambe, c'est-à-dire sur l'économie de subsistance pour survivre, puisque les autres secteurs d'activité économique ne nous étaient pas particulièrement ouverts, que ce soit au niveau du commerce des fourrures ou au niveau de l'administration. Durant la décennie de guerre des années 1750, le gouvernement français avait dépensé des sommes énormes dans la colonie. On parle de 25 à 30 000 livres au moins dans les années comme 1758 ou 1759. Le passage au régime britannique a voulu dire la fin de ces dépenses gouvernementales extraordinaires. Or, comme c'est l'État qui était le moteur, le coordonnateur de l'économie, l'impact de ce passage se fait sentir. Il y avait eu aussi orgies de toutes sortes de papiers, monnaies de carte, lettres de change, autres billets, au cours de la dernière décennie du régime français, et partout on disait que les espèces sonnantes métalliques étaient extrêmement rares. Et pourtant, quand les marchands anglais arrivent, on voit les espèces sonnantes sortir du bas de laine où l'habitant l'avait thésaurisé. Fernand Ouellet, dans une fine analyse d'un document d'Ancan à Beaumont, près de Québec, en 1760, montre bien que la monnaie sonnante existait dans les mains des habitants. Mais il reste que la monnaie sonnante était relativement rare pour le commerce en général et qu'il y avait une utilisation généralisée de la lettre de change comme instrument de crédit dans tout le réseau de commerce de l'Atlantique et au-delà. John Boscher nous parle de ce système de crédit et des instruments financiers venant pallier à la rareté de devises. La lettre de change sert non seulement d'instrument pour envoyer de l'argent à travers l'Atlantique, ou pour éviter plutôt d'envoyer de l'espèce à travers l'Atlantique, qui est assez coûteux, mais aussi pour instrument de crédit. Par exemple, si un monsieur à Québec peut payer un autre et quelqu'un lui doit de l'argent à La Rochelle, il peut payer moyennant une lettre de change qui lui permet de payer le client de son client à La Rochelle. Je vous lis le texte, par exemple, d'une lettre de change. Je cite, c'est une lettre de change de 1759. « Messieurs, par tout le cours de l'année prochaine, 1760, il vous plaira payer par cette seconde change à l'ordre de M. de Boishébert la somme de 26 000 livres, valeur reçue au comptant, du dictionnaire que passerait suivant l'avis de votre très humble et très obéissant serviteur, signé Joseph Cadet. Et puis c'est envoyé à Monsieur Pierre Desclos à Bordeaux, Monsieur Pierre Desclos est fils aîné négociant à Bordeaux, et puis c'est endossé, parce qu'on peut endosser ça comme un chèque pour payer quelqu'un d'autre à son tour, payé à l'ordre de Monsieur Touron, frère, signé par Boisébert, et puis encore endossé, payé à l'ordre de Monsieur Lafond de la Débat, valeur en compte avec le dissieur à La Rochelle, 6 janvier 1661. Alors, vous voyez que, moyennant l'endossement, la lettre de change est un succès donné de l'argent, du comptant. Et ça, c'est seulement le plus évident des formes de crédit. Il y a aussi un système de crédit moyennant les livres, la comptabilité. Si on étudie un peu les affaires entre deux sociétés commerciales, l'une à Québec et l'autre en France, on voit qu'ils n'envoient pas de l'argent, ils n'envoient pas les espèces, ils ne voient même pas parfois les lettres de change. Tout est compté sur leurs livres de comptabilité. Ils tiennent compte l'une l'autre de tout ce qui passe à travers l'Atlantique, de toute dette. Et puis, quand la société se termine ou à tel moment, ils tombent d'accord pour cesser leurs affaires, leurs relations, c'est à ce moment-là qu'ils rendent leurs comptes et qu'ils règlent leurs comptes. Mais ils envoient le moins possible d'argent. Et on trouve au 18e que presque toutes les affaires se passent sur papier. Souvent, à notre époque, on a l'illusion qu'autrefois, on payait en or, en argent. C'est pas vrai du tout. La seule espèce légale, surtout pour des petites affaires, de détail, des menus achats, par exemple, sont payés par l'argent, par des louis d'or, par des pistoles d'argent, etc. Mais normalement, les affaires sont faites par un réseau de crédit qui est énorme et qui lie non seulement la colonie du Canada avec la France, mais tous les pays de notre civilisation. On voit des lettres de change de toutes parts à Bordeaux. On voit les paiements qui sont très embrouillés et qui passent des Indes, des Antilles, à Londres, dans un port hollandais, la France, le nord de l'Europe. Tout ça, c'est un réseau qui lie les pays commerçants les uns aux autres. À côté de ce réseau complexe de crédit, un réseau encore très personnalisé, il faut le dire, un réseau qui ne fonctionne pas selon les règles du marché libre et parfait, à côté de ce réseau, il y a les monnaies réelles, les monnaies qui circulent dans la colonie et qui facilitent le commerce. C'est à un retour à ces monnaies sonnantes que l'on assiste après la conquête. La suspension du paiement des lettres de change en France a jeté le discrédit sur toute espèce de monnaie de papier. Cette monnaie sonnante, ce sont des pièces d'or et d'argent dont le poids, en or ou argent, fonde la valeur. Mais il y a parallèlement à ces monnaies réelles une monnaie imaginaire, une monnaie de compte, qui sert de barème pour mesurer les monnaies réelles. Le nom de cette monnaie de compte varie d'un pays à l'autre. En France, on parle de livres tournois, en Angleterre, de livres sterling. On établit la valeur nominale des monnaies réelles, comme l'écu d'or, en termes de livres, chelins et pence, c'est-à-dire en monnaie de compte. Et cette valeur nominale est le résultat d'une décision royale. C'est donc un rapport qui peut varier à volonté. Au Canada, on va vouloir attirer les espèces, l'influx de capitaux, en définissant un cours spécial, une monnaie de compte spéciale, la livre anglaise, cours de Halifax, une monnaie de compte qui va délibérément surévaluer les espèces sonnantes pour les attirer dans la colonie. En fait, on verra les autres colonies anglaises de l'Amérique du Nord recourir à la même pratique, ce qui fait que la piastre espagnole aura des cours différents au Massachusetts, à New York et à Halifax. On verra même au Canada les divers morceaux de la socio-économie, encore mal intégrés, vibrer à des cours qui ne sont pas toujours les mêmes. Le cours d'Halifax est prévalent à Québec, mais le cours de New York est très présent dans le commerce à Montréal. Jean Hamelin, de l'Université Laval, est l'un des rares historiens canadiens à s'être aventuré à étudier ces phénomènes monétaires. Les pièces de monnaie qui circulent ont une valeur plus grande au Canada, dans le cours de Halifax. Bon, supposons que la pièce espagnole, elle vaut 5 livres dans le Québec, et elle n'en vaut que 4 quelque chose en Angleterre. Et pourquoi cette surévaluation dans l'économie? Parce qu'on disait que ça va inciter les commerçants à partir avec des espèces. Venir au Canada, puis acheter des choses, parce que les espèces qui circulent ont plus de valeur ici qu'en Angleterre. Donc, c'était une politique pour attirer le capital. Attirer le capital. Mais en fait, ça donne lieu à une spéculation. Et ça, cette spéculation, à mon avis, ce qui caractérise les monnaies anciennes, c'est que la spéculation sur les taux de change est extrêmement importante. C'est que dans le commerce de l'époque, l'écu d'argent ou la pièce d'argent ou la pièce d'or qui circule, supposons la pièce espagnole, qui est une monnaie d'argent, quand on va payer le commerçant, il la pèse. Parce qu'une pièce d'argent ou une pièce d'or qui circule, ça s'effrite. Il y a moins d'argent, il y a moins d'or dans la pièce. Alors, on les accepte. C'est pour ça qu'il y avait des ramens. On pèsait les pièces de monnaie. Et s'il n'y avait pas le nombre de carats ou le nombre de grammes d'or ou d'argent, on disait, elle n'est pas bonne, on ne te donnera pas 5 livres, on va te donner 4 livres, 6, ça dépendait du nombre de grammes. Hein? Alors, quand les commerçants, même après la conquête, ça continue, les commerçants qui viennent ici viennent souvent avec des pièces qui sont usées, etc. Et quand ils paient, ils refusent qu'on utilise la romaine. Hein? Il faut considérer ça comme de très bonnes pièces de monnaie. Hein? C'est ça qu'ils font double coup. Ça sert beaucoup plus la métropole que ça sert ici dans la colonie. L'existence du cours d'Halifax marque bien l'importance qu'a pris ce centre depuis les années 1750. En fait, la fondation d'Halifax en 1749 marquait un tournant dans la politique coloniale britannique et la décision par la Grande-Bretagne de supporter militairement l'Empire. Halifax, c'est une forteresse imprenable sur l'Atlantique, mais c'est une base continentale sans arrière-pays. De Louisbourg, la France, avec l'aide des Acadiens, va faire une guerre de guérilla et limiter l'enracinement de Halifax dans son arrière-pays. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la déportation des Acadiens, le nettoyage de la très grande majorité des Acadiens entre 1755 et 1763, une opération de dispersion des Acadiens vers les colonies du Sud et vers l'Europe. Les raisons de cette déportation demeurent controversées, mais ce qui est certain, c'est que c'est le gros de la population acadienne qui a été dépossédée de ses terres et qu'une dizaine de milliers de colons anglais de la Nouvelle-Angleterre sont venus, à l'invitation des autorités britanniques, en prendre possession. C'est ce qui a fait dire à certains qu'il y avait des raisons économiques aussi à cette déportation. Jean Daigle est directeur du Centre d'études acadiennes à l'Université Moncton. La raison économique, elle était peut-être présente à l'époque. On ne retrouve pas ceci, par contre, dans les documents, dans la correspondance. Évidemment, c'est toujours mentionné dans la correspondance que les colons anglais pourraient venir s'établir sur ces terres-là. Mais je pense qu'une des raisons, et on revient peut-être toujours à la politique, une des raisons principales, c'est qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur l'allégeance de la population acadienne. À l'époque, nous ne sommes pas citoyens, comme maintenant, disons, d'un pays, mais à l'époque, nous sommes des sujets. Alors, les Acadiens, tout comme, disons, colons en Amérique du Nord, est un sujet d'un roi. Alors, on est soit sujet d'un roi français ou d'un roi anglais. Et à l'époque, la neutralité, ce n'est pas accepté. Alors, à ce moment-là, un peuple ou un groupe d'individus qui se déclare neutre, c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans les canons politiques. Et à ce moment-là, c'est peut-être ce qui peut nous aider à comprendre le pourquoi de la déportation, qui est un phénomène, dans le fond, assez complexe et qui va durer pendant très longtemps. Vous savez, on se fait toujours l'idée qu'en 1755, on a vidé complètement la Nouvelle-Écosse des Acadiens. Il faut comprendre que la déportation, c'est un phénomène qui va durer de 1755 à 1763. Alors, c'est un phénomène qui va durer pendant 7 ou 8 ans. Et on aura des grandes périodes de déportation, comme l'année 1755, il y a peut-être 6 à 7 000 colons qui vont être déportés dans les colonies américaines, du Massachusetts jusqu'en Géorgie. Et de 56 à 57, on aura des opérations de ramassage, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des Acadiens qui vont se sauver dans les bois, qui vont s'en aller vers la région de la rivière Miramichi, qui vont s'établir dans la région de la baie des Chaleurs. Et constamment, il y aura des bateaux anglais qui patrouilleront et qui vont attaquer quelques Acadiens, qui les embarqueront de force et qui les amèneront, si vous voulez, à Halifax pour les déporter. Et une autre phase de déportation très importante, où on aura environ 2500 Acadiens qui devront quitter la région de l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard actuellement, et qu'on expédiera directement, si vous voulez, en Europe. Et après l'année 58, de 59 à 63, on fera encore des opérations de ramassage. Et en fait, on peut dire qu'à partir de 1763, le territoire est plus ou moins vide, si vous voulez, d'Acadiens. Il y a toujours des Acadiens qui s'y sont cachés, qui reviennent timidement, si vous voulez, à la civilisation, auprès des anglophones, prêts cette fois-ci à prêter un serment d'allégeance. Et il y a aussi de ces Acadiens qui ont été déportés dans les colonies américaines, qui reviennent vaillamment. C'est un peu le phénomène, si vous voulez, de Pélagie la Charrette, qui est très bien expliqué là, par Antonin de Maillet. Les Acadiens qui reviennent pour se réétablir sur leur terre. Mais malheureusement, leur terre était prise ou c'était pas possible pour eux de s'établir. Est-ce qu'il reste des Acadiens après la déportation? Il reste des Acadiens, mais ce sont des gens qui ont tout perdu. Ce sont des gens qui doivent recommencer à zéro, qui doivent repartir avec pratiquement rien. Alors, ce sont des gens aussi qui sont très timides, qui voient l'anglophone, qui voient le pouvoir anglais avec, si vous voulez, beaucoup de crainte. Et ce sont des gens qui vont vouloir se réétablir ou réétablir une nouvelle Acadie, mais dans des endroits très éloignés des centres de peuplement anglais. Et c'est pour ça que les Acadiens vont s'établir, disons, en assez grand nombre en Nouvelle-Écosse, mais dans la région de la Baie-Sainte-Marie actuellement, qui est située peut-être à 70 ou 80 000 de la région de Port-Royal ou d'Annapolis-Royal. Beaucoup d'Acadiens vont s'établir au Nouveau-Brunswick le long de la mer, le long des côtes, et ce sont des gens qui vont tenter de se faire oublier. Ce sont des gens qui vont vraiment s'enraciner, suivant une expression qui est utilisée par mon collègue Léon Thériault, qui vont s'enraciner dans le silence. Ce sont des gens qui vont tenter de se rebâtir un pays, mais en faisant le moins de bruit possible. Les Acadiens vont revenir non seulement des États-Unis, mais aussi d'Europe. Revenir pour construire la nouvelle Acadie. Rappelons que plus de 3000 Acadiens ont été renvoyés en France. Mais leurs conditions de retour, ainsi que l'explique Léon Thériault de l'Université de Moncton, ont souvent créé des conditions de dépendance. Dans certains domaines, notamment dans le domaine de la pêche, les Acadiens sont pris dans un certain engrenage. Par exemple, les Acadiens qui reviennent de France sont amenés ici en bonne partie par des entrepreneurs pêcheurs de l'île Jersey, qui est une île au large de France, mais qui appartient à l'Angleterre. On parle français à l'île Jersey à l'époque. Ces entrepreneurs jerseyais vont amener les Acadiens ici à condition que ces mêmes Acadiens deviennent pêcheurs pour eux. Ces jerseyais ont besoin de pêcheurs, puis ils utilisent les Acadiens. Les Acadiens deviennent donc pêcheurs, mais ils sont payés en jetons. Et les jetons ne sont échangeables qu'au magasin de ces mêmes entrepreneurs jerseyais. Il y a donc comme un cercle vicieux. Mais on peut dire que pour le reste, les terres, par exemple, les Britanniques vont accorder assez libéralement les terres à l'époque. Les Acadiens ne seront pas importunés, mais les Acadiens sont longtemps privés de droits civils et politiques. Ils n'auront pas le droit de vote, par exemple. Il y a des Acadiens qui vont voter lors de la première élection au Nouveau-Brunswick en 1785. Mais on va annuler l'élection de ce comté-là. Ils auront le droit de vote seulement en 1810. Parce qu'ils sont catholiques, ils n'auront pas le droit non plus de se présenter, d'être députés, pas avant 1830. C'est donc un peuple qui vit en marge sans soutien. Un peuple qui est tellement disloqué, les Acadiens de la région de Bathurst ne savent pas qu'il y a des Acadiens dans la région d'Edmundston. Des habitudes, des liens, des communications ont été brisées. Alors qu'à l'époque du régime français, il y avait quand même tout un réseau de communication qui existait. Est-ce que déjà se forme le triangle acadien? Est-ce que déjà, au Nouveau-Brunswick, par exemple, on voit le peuplement, la montée de ces Acadiens retournants, définissant un peu les contours de leur terroir plus moderne? En un sens, oui, parce que l'Acadie de 1790, disons, là, c'est l'Acadie telle qu'elle existe aujourd'hui, ou à peu près. C'est-à-dire que les Acadiens n'ont pas acadianisé de nouveaux territoires depuis, mais seulement l'arrière-pays de ce qu'ils avaient développé en 1790. Donc, si vous voulez, la côte est du Nouveau-Brunswick, la région d'Edmundston, près du Québec, la région d'Évangeline, celle du Prince-Édouard, et puis les deux extrémités de la Nouvelle-Écosse, là, c'est-à-dire Chiticamp, celle du Cap-Breton, et la région de la Baie-Sainte-Marie. Ils ont donc fondé une nouvelle Acadie qui n'a pas changé beaucoup depuis. Pendant que s'effectuent ces dérangements à saveur plus canadienne, le monde atlantique entre dans une période révolutionnaire, dans une période de grande turbulence. C'est la révolution industrielle en Angleterre qu'on situe entre 1760 et 1830, mais aussi des révolutions politiques partout qui vont amener la bourgeoisie au pouvoir et entraîner la fin de l'Ancien Régime. Révolution plus ou moins réussie en Europe et en Amérique. La plus importante de ces péripéties pour le Canada sera évidemment la Révolution américaine en 1776, révolution qui aura des impacts importants sur le développement économique du Canada. La semaine prochaine, nous verrons comment, dans cette période des révolutions, de la Révolution atlantique, comment la socio-économie canadienne commence à se moderniser, comment se profile la seconde grande discontinuité dans l'expérience de la socio-économie canadienne au tournant du 19e siècle. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Claude Grenier et Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, André Lexmont. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrec. Thank you.